Bonjour! Aujourd'hui, j'invite au comptoir Ludmila. Nous parlons d'anxiété qu'on pourrait qualifier de sociale. Une anxiété qui fait surface avant les soirées, la plupart du temps, dans nos cas. Autour d'un verre, nous discutons de cette angoisse dans la bonne humeur. Ce podcast se divise en deux parties, on pourrait même dire en deux tournées. Je suis super heureuse de t'avoir au comptoir. Moi, je suis trop contente d'être là, sur ton petit canapé, autour d'une bière. Et oui, pour changer. Je t'ai invitée au comptoir pour parler d'expériences communes et de sentiments communs qu'on a eus. Eh oui. Je sais pas trop comment appeler ça, donc peut-être que tu peux m'aider à le définir. En anglais, on appelle ça social anxiety. Oui, voilà, ouais. En français, est-ce qu'on peut traduire ça par anxiété sociale, sûrement? Oui. Enfin, moi, je l'appelle tout le temps comme ça. Après, les gens comprennent, généralement. Ouais. Moi, je sais pas, ça me paraît très lourd comme ouais, nom. C'est vrai. Ouais, non, c'est vrai. On dirait une espèce de maladie. De l'ST. Non, mais on dirait que t'es super malade et que tu restes chez toi et que tu peux pas sortir. Ouais, non, c'est vrai. Mais alors, pourquoi ça passe en anglais? Tout passe mieux en anglais. Oui, hein. Donc, peut-être qu'on trouvera un remplaçant à ce petit nom. Mm. Comment toi, tu pourrais définir cette anxiété sociale, si on l'appelle comme ça? Je sais pas, j'ai, selon mes expériences, je pense qu'on se fait un peu une définition selon ce qu'on a vécu. C'est, je trouve, premièrement, pour ma part, c'est une situation où je me sentais juste pas à ma place, qui m'a rendue anxieuse, donc qui m'a fait stresser à un moment donné, et j'ai eu l'impression finalement que en fait mon corps, mon cerveau a traité cette information dans un certain contexte, le contexte étant un moment, un endroit qui me fait être anxieuse et pour lequel j'ai l'impression que quand j'y pense en amont me fait être anxieuse parce que à un moment T j'étais anxieuse dans cette situation. Je sais pas si ça fait sens. Donc, ce que tu veux dire, c'est que au moment où t'es anxieuse, donc tu l'es, mais tu peux aussi ressentir cette anxiété quand tu repenses à ce moment. Voilà, c'est ça. Ou ouais, ouais, voilà, c'est tout à fait ça. Je repense à ce moment, ou alors je sais que ce moment va arriver inévitablement, et là je me mets à être anxieuse. Et si jamais on devait définir le côté social, ce serait du coup une situation partagée avec des gens. À un moment donné, on ne s'est pas senti bien et qu'on n'a pas envie de revivre. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Pour ma part, l'anxiété, bon, c'est un truc très commun. Je suis très, très anxieuse de tout le temps, donc voilà. Donc, l'adjectif social, il est vraiment... pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important dans cette définition. C'est, ça paraît super sérieux comme ça, mais... moi, ce qui joue, surtout, c'est le social, c'est-à-dire que il y a des situations dans lesquelles je sais que je vais être super mal à l'aise parce qu'il y aura du monde, par exemple. Ah oui, dans ce sens-là. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est plus ça, mon anxiété sociale. C'est-à-dire que je vais me rendre à une soirée et il va y avoir des amis, ou alors pas d'amis, ou alors des amis d'amis. Ouais. Et c'est ça qui va m'angoisser parce que je vais être au milieu de plein de gens. Alors du coup, toi, c'est pas le fait que ce soit la situation avec certaines personnes, mais plutôt le fait que tu sais que tu vas être stressée et du coup au milieu de toutes ces personnes. Ce qui me fait angoisser, c'est pas le fait de savoir que je vais être stressée, hein. C'est juste que... Enfin, c'est l'angoisse qui vient comme ça, hein. c'est pas une méta-angoisse. Hein. Oui, non, mais au cas où tu saches que dans cette situation, tu vois... En général, je le sais à l'avance, hein, que je vais être stressée, parce que l'expérience... quand tu te brûles une fois, tu sais que la prochaine fois que tu t'approches du feu, ça va brûler. Souvent, c'est ça. Ouais. Et en même temps, des fois, j'ai l'impression que... On se dit, sûrement que je vais être stressée, mais bon, vas-y, c'est pas grave. Mmh. On essaye quand même. Vas-y, c'est pas grave. De toute façon, qu'est-ce qui peut m'arriver de mal? De toute façon, ça va très bien. Enfin, je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Et en fait, finalement, on se dit ça, mais ça rumine quand même, en fait. Ah, mais combien de fois ça m'est arrivé, ça, de me forcer? Ouais. en me disant que c'était bête, que je réagissais bêtement, que je passais à côté de plein de trucs, alors que en fait je me forçais, mais tout ce discours là, t'es bête de pas y aller et tout, en fait c'est pas le mien, hein. C'était celui de mon ex-copain ou et c'est terrible parce que même au niveau du moment où tu veux l'expliquer aux gens desquels tu es proche. Par exemple, admettons, on prend l'exemple, il faut que j'aille à cette soirée, c'est prévu, tout ça, je suis hyper anxieuse d'y aller, et t'en parles à quelqu'un de proche, et là, il te dit, de but en blanc, bah oui, mais enfin, non, mais tout va bien se passer, pourquoi t'es stressée, je comprends pas. Incompréhension. Mm. Et toi, tu dis, oui, bah oui, c'est vrai, pourquoi ça se passerait mal, soit oui, bah il a sûrement raison. Et en fait, je trouve que ces paroles-là, des fois, elles accentuent l'anxiété, parce que du coup, tu te dis que toi-même, t'es en tort de penser comme ça, et du coup, t'es en contradiction avec ton stress, en fait, tu te dis, les autres disent que ça doit être bon, c'est bon, vas-y, je suis bête de penser comme ça, tout ça, c'est pas normal, je ne suis pas normale, et du coup, t'arrives à la soirée, inévitablement, tu t'es pas écouté, ton stress arrive, Ça, on en reparlera parce que la légitimité du sentiment, c'est... Bon, je le garde dans un coin de ma tête. Mm-hmm. Et je voulais te demander, toi, comment ça se manifeste quand tu... Bon, après, je prends le contexte de soirée parce que c'est ce qui m'arrive le plus souvent. Je pense que c'est ce qu'on a en commun aussi. Oui, peut-être. Voilà. Mais mm-hmm. Comment ça te manifeste... Comment ça se manifeste ? Pour ma part, c'est déjà un stress préalable. Avant d'y aller, ouais. Comme on a dit, tu sais que ça va arriver, que par exemple, admettons, les personnes qui sont à la soirée, tu sais qui c'est, tu sais que il va falloir établir un contact qui n'est pas forcément naturel. Ouais. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Ou alors avoir des conversations qui... Ouais, ça fait super hautain, mais qui sont pas forcément stimulantes ou que t'as pas forcément envie d'avoir, qui sont gênantes pour toi. Small talk. Ouais, non, mais des choses, tu sais, même des... tu sais que tu vas entendre certaines réflexions. Certaines personnes vont faire certaines réflexions. Peu importe, ça peut être un dîner de famille, une soirée entre potes, n'importe quoi. Et ça va te mettre mal à l'aise à un point. J'en ai une dans la tête. T'en as une dans la tête, est-ce que tu veux raconter ? Non, j'ai la réflexion dans la tête. Parce que tu sais, et tu sais que, bon, peut-être que 2 mois avant, ces réflexions ne t'auraient pas dérangé, mais là, à ce moment-là, tu sais que ça va pas le faire dans ta tête, et le stress est donc préalable au début. Et ensuite, admettons que tu te sois forcé à aller à la soirée, moi, j'ai généralement, alors, soit, si c'est une petite soirée, hein, on va dire que c'est une petite soirée, je reste un peu dans mon coin, enfin je parle pas trop, enfin je parle pas du tout en fait, enfin très très peu. Si j'entends un truc qui me gêne un peu, peut-être que j'ai le pouls qui va s'accélérer un petit peu, mais sans plus, si c'est une petite soirée, généralement en fait je laisse passer, c'est juste le stress préalable et qui continue un peu pendant la soirée, je dirais, et sans plus. Par contre, si par exemple c'est une grosse soirée et que je me retrouve toute seule, entre guillemets, enfin, toute seule, je sais pas si je peux développer ou pas, c'est-à-dire que t'es entourée, mais que intérieurement, en fait, à ce moment-là, tu te sens d'une solitude, toute seule, parce que tu sais pas de quoi parler, tu sais pas avec qui parler, tu sais pas ce que tu sais pas ce que tu peux dire, t'as l'impression de juste de pas être au bon endroit, et là, par contre, je peux faire une crise d'angoisse, c'est-à-dire m'isoler, pleurer, ne plus pouvoir respirer. Et voilà, devoir appeler un de mes... qui je peux, si j'ai un ami qui n'a pas forcément remarqué, je vais essayer d'attirer son attention. Voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un, surtout que dans ces moments-là, on n'a pas envie de le dire. Ouais. C'est surtout ça. Je sais que quand on me dit ça va, oui, ça va. Bah, t'as pas envie de gâcher la soirée. T'as pas envie de gâcher la soirée et tu dis... Alors ça, merci, tu le dis. Le nombre de fois où j'ai dit non mais ça va, je veux pas vous gâcher la soirée, genre je vais rentrer ou genre je... Et là tu stresses encore plus parce que finalement t'as besoin d'aide mais que tu la donnes pas et c'est crescendo. Ouais, ouais. Enfin, voilà. Moi c'est assez proche. Bah déjà, je stresse avant. Ouais. Et c'est marrant parce que la première fois que j'ai parlé de ce stress, j'en ai parlé avec toi et on s'est dit « Ah, mais en fait, on est... » Soit je me suis dit « On n'est pas folle », soit je me suis dit « Oh, on est folle toutes les deux. » Moi, je me suis dit... honnêtement, je me suis dit « Bon, je suis pas folle. » Ouais. Je me suis dit « C'est ok, il y a une autre personne qui ressent ça, c'est forcément qu'il y a d'autres personnes qui ressentent ça, même si on sait que, bah, on est très, très, voilà, très connectés. » Oui, c'est vrai. oui, je disais, souvent je ressens avant parce que... Bah déjà, il faut que je sorte de chez moi. C'est vrai, et c'est pas une mince épreuve. Non, mais j'adore sortir de chez moi. Mais, mais en fait, je sais que ça va me demander des efforts. Ouais. Et même si je suis avec des amis, ça dépend des amis. Hein. Mais des petites soirées, toujours ce contexte-là, je sais pas, moi, d'une dizaine. Des fois, il y a des gens que je connais pas. Il y a des gens avec qui je m'entends moins bien, même s'il y a personne que je déteste. Donc, je vais devoir faire des efforts. Ouais. Je vais devoir discuter et lier une amitié éphémère avec quelqu'un. Et pareil, je vais parler de trucs qui me font chier, en fait. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir des relations toujours approfondies, dans le sens, tu sais, pas seulement comme tu disais une relation éphémère, mais plutôt pour te sentir bien, que bah tu puisses parler de choses qui soient je dirais pas sérieuses, mais comment dire, que la personne s'implique dans la discussion. Ben pas nécessairement. Ouais. Enfin, j'ai pas besoin de mener une discussion super sérieuse avec la personne que je rencontre en soirée, parce que enfin, je me suis fait des amis à base de shots. Oui, mais tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Mais par contre, j'ai besoin que quand je lui pose des questions, il y ait un minimum de retour de questions. Voilà, c'est ça, parce que, enfin, évidemment, je suis pareil que toi, je pense pas qu'il faille avoir des discussions hyper sérieuses. Tu peux rigoler, machin et tout, ça dépend dans la situation t'es, mais si jamais, voilà, t'as envie de... Bah, au fur et à mesure de la discussion, t'as envie juste bah, de poser une question un peu plus sérieuse que si, que ça, je ne sais pas, et que voilà, il y a... Enfin, tu te rends compte que finalement, ça s'arrête juste à des shots, est-ce que toi, ça te gêne ou... Non, ça me gêne pas, parce que la personne... Enfin, quand je vais à la soirée, je me dis pas que je vais me faire des amis pour toute une vie, oui, tu vois. Oui, je me dis que je vais passer un bon moment, que je vais boire un coup, à la rigueur, je vais danser un peu, et je vais rencontrer des gens sympas à nouveau. Ouais. Mais juste pour rencontrer des gens sympas nouveaux, et ben là, des fois, ça colle moins bien que d'autres. Mais le truc, c'est que je pense que c'est naturel, parce qu'il y a des gens avec qui ça colle et d'autres avec qui ça colle pas, tu vois. Ouais, bah oui, oui. Mais le truc, c'est que quand tu te retrouves dans une soirée et que ça colle avec personne, et ben en fait, c'est là que ça devient compliqué. Mais tu sais que je te pose ces questions parce que moi, il m'est déjà arrivé d'arriver dans des soirées où ça colle avec personne. Et que du coup, enfin, j'en ai une en tête précisément, parce que c'est vrai que ça m'est pas arrivé souvent non plus, mais ça choque, enfin, intérieurement ça choque pas mal, parce que tu dis, putain, qui suis, enfin, qu'est-ce que je fous là, et puis, tu sais, tu trouves sûrement en cause ta propre validité. Carrément. Et du coup, moi, ça mettait la pression pour les soirées futures où je ne connaissais personne, j'avais l'impression, du coup, que je devais avoir... tu sais, enfin forcément créer un lien pour pouvoir, tu sais, peut-être que dans les autres soirées, si jamais je les retrouve, peut-être que ça se passe bien, tu vois. Ah ouais, ouais, ouais. Ce genre de truc. Une espèce de bouée de sauvetage. Voilà, c'est ça. Après, évidemment, tu vas pas te servir des gens comme excuse, tu vois, ou quoi que ce soit, mais c'est juste le fait, tu vois, de pouvoir, si jamais à un moment de la soirée, te raccrocher à quelqu'un, pouvoir le faire, tu vois. Tu sais, de parler d'un truc, n'importe quoi, tu vois, si tu peux te raccrocher à quelqu'un, voilà, que tu puisses, quoi. Moi, le sentiment le plus fort que j'ai quand je suis dans ce genre de soirée et que je suis un peu angoissée, c'est ce truc qui revient comme un refrain. Mais qu'est-ce que je fais là? Ouais. Est-ce que t'as les yeux aussi dans le vide comme ça, en mode... qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Et admettons, tu fais une crise d'angoisse. Comment tu réagis? Jusqu'il y a peu, j'ai jamais fait de crise d'angoisse vraiment dans une soirée. Même si j'ai été angoissée ou quoi, en général, quand je suis angoissée, en fait, bah, je m'en vais. Tu vois, je m'en tire. Mais j'ai fait un début de crise d'angoisse cet été dans une soirée et en fait la crise est venue parce que j'étais enfermée en fait. Pas enfermée, enfermée physiquement oui, mais c'est-à-dire que j'avais pas le moyen de partir. Et pas que j'étais en danger ou quoi, hein, mais c'était simplement qu'on était dans un camping à Pétaouchnok et que j'avais pas de voiture et quand bien même j'aurais eu une voiture, quand t'as bu, tu t'en vas pas. Ben juste, je pouvais pas, j'avais pas moyen de partir et d'échapper à cette situation qui me paraissait stressante. Et là, à ce moment-là, je peux relate à ce que tu dis, vraiment, parce que à ce moment-là, toi, qu'est-ce qui se passe quand tu te sens entre quatre murs dans ta tête ? Parce que l'anxiété, c'est aussi ça. Quand tu fais une crise d'angoisse, c'est que t'as l'impression que tout se rétrécit. Ouais, carrément. Que, en fait, tu te sens pas à ta place, que ce soit dans ta tête ou par rapport aux autres. Donc, en fait, tout se rétrécit et il suffit que tu ne puisses pas sortir de ça. Et là, moi, je trouve que là, c'est la dégringolade. Enfin, moi, je veux dire, ça, tu sais, c'est crescendo et je sais pas si t'as eu ce truc du « j'ai envie de péter un mur et de partir en courant ». Ah oui ? Mais genre, vraiment... De même s'il faut de passer par la fenêtre et de vraiment de courir jusqu'à ne plus en pouvoir. Du style, les murs se rétrécissent tellement dans tous les sens du terme que le seul moyen, c'est juste de prendre une bouffée d'air frais, tu vois. Pour calmer déjà le fait que tu commences à plus bien respirer parce que tu commences à avoir l'anxiété qui monte. Et le fait que retrouver de l'espace, en fait. Moi c'était ça, c'est-à-dire que je me suis retrouvée dans un camping avec des amis de mon ami et je les connaissais pas. Il se trouve qu'on avait pas les mêmes mœurs de soirée et que j'étais pas prête à ce genre de soirée. Pourtant on n'était pas beaucoup hein, mais juste ça collait pas du tout. Et en fait, j'avais envie d'être sympa, tu vois, pour leur plaire et puis pour pas gâcher la soirée, encore une fois, tu vois. Et en fait, il y a un moment, ça allait plus parce que je me sentais dans un environnement hostile, pas chaleureux ni accueillant. Et puis, j'ai commencé à plus réussir à respirer. À vouloir m'en aller à tout prix, sauf que, comme je t'ai dit, je pouvais pas. Et heureusement que j'avais quelqu'un que je connaissais et que j'aimais, quoi. Parce que il a réussi à me dire... déjà à voir, parce que j'étais pas en mesure d'appeler à l'aide parce que j'avais pas envie, tu vois. J'avais pas envie de déranger. Et du coup, il a été assez attentif pour voir que ça allait pas et pour me prendre par la main et pour sortir. Et là encore, on est resté quelques heures dehors tous les deux à marcher gentiment, mais je me sentais super coupable en me disant t'as pas pu passer la soirée avec tes amis, et là encore, tu te sens super coupable, t'es encore plus angoissée. Et toi, qu'est-ce que la personne t'a dit quand t'as dit je suis désolée, tout ça? Qu'il passait une mauvaise soirée aussi. Donc du coup, tu vois finalement des fois Donc faut pas hésiter, je pense. Tu vois, on n'est pas de folles en fait. Non. Et je vais te demander toi c'est quand la première fois que ça t'est arrivé? Enfin, dans quel contexte? Ça fait longtemps? Alors, je pense, faut que je fasse la différence entre le moment où je me suis sentie pas forcément très bien et le moment où vraiment j'ai fait une crise d'angoisse. Et je pense que, alors, peut-être que je me trompe. Je parle pas forcément de crise d'angoisse, mais tu sais, la première fois où t'as été anxieuse à l'idée d'aller rencontrer d'autres personnes. Ou en soirée, ou en réunion. Je pense à l'école. Souvent, on est angoissé pour les premières rentrées, mais disons pour les soirées. Pour les soirées. Moi, je pense que c'est depuis qu'il y en a une qui s'est très très mal passée que je pouvais plus après. Enfin, j'ai eu vraiment beaucoup de mal et j'ai perdu confiance en moi beaucoup. Je pense que c'était le Nouvel An d'il y a 2 ans. Ah, les Nouvel An. Ah oui, les Nouvel An. Alors, je sais pas si c'est la première fois, Mais je pense que c'est celle qui a vraiment marqué à une rupture, vraiment, dans ma manière de projeter une soirée, on va dire. Si on parle de soirée, bien sûr, parce qu'après, l'école, c'est encore différent. Ouais, mais Là, je pense que je c'est un pourrais sujet un tenir. peu différent. Ouais, c'est un sujet différent. En fait, je suis arrivée à cette soirée et je connaissais personne, mais en soi, ça me dérangeait pas trop. Enfin, vraiment, les personnes que je connaissais à cette soirée, les quelques-unes, m'ont dit, enfin, en fait, m'ont pas, voilà, dit, oh, tu vas connaître personne, tout ça, tu vas t'ennuyer, machin. Puis moi, j'étais super contente à l'idée de rencontrer peut-être d'autres personnes, des copines, des potes, de machin, tout ça. Et c'était quand même, dans le contexte, c'était quand même un moment où, bah, voilà, j'étais séparée de distance avec mon copain. Et du coup, voilà, la communication n'était pas la meilleure possible. Et voilà, j'avais du mal aussi, encore plus que maintenant, à dire les choses, tout ça, à faire part de mon stress et de mes questionnements. Et je suis arrivée à cette soirée et il s'avérait que bah, le courant passait pas avec. Enfin, Et du coup, tu connaissais personne? bah, je connaissais quelques personnes, mais en fait, je ne sais pas comment t'expliquer. Alors, il y avait déjà, on est arrivé, il y avait un groupe de filles qui buvaient depuis. Nous, on est arrivé, je sais pas, à 21h, enfin, je sais plus. On est arrivé, il y avait déjà des filles qui étaient bourrées, en fait. Les filles qui, en fait, qui organisaient la soirée étaient déjà bourrées. Donc, en fait, déjà, rien que parler à l'autre, c'était pas possible. Donc, Communication impossible. communication impossible avec l'autre. Alors, Yoda, on pourrait me dire, oui, mais bon, t'en fous. Mais le fait est que déjà, de base, je déteste les groupes. Je déteste dans une soirée quand il y a des gens qui restent entre eux, mais strictement entre eux. C'est-à-dire, c'est pas genre ils parlent entre eux, puis ils changent de groupe, et que si, que ça. C'est. Ils restent strictement entre eux, ils rigolent entre eux, ils boivent entre eux, ils vomissent entre eux. Bon, ça, ils peuvent le faire si, bah, bon, il n'y a pas de souci. Mais que ça reste entre Et que ça reste entre eux, c'est pas de problème. Donc, bah, j'ai essayé de parler aux autres personnes. Vraiment, j'ai fait les. Je me suis dit, bon, allez, prends ton courage à deux mains. Et vraiment, il y a une série. Enfin, j'ai plus l'esprit clair par rapport à cette soirée, parce que je pense que j'ai aussi essayé de l'oublier, en un sens. Alors, les gens fumaient. Moi, je ne fumais pas. Donc, les gens sortaient régulièrement pour aller fumer. Moi, je n'y allais pas. Donc, j'étais presque. Seule dehors, enfin, je fumais peut-être une cigarette, mais bon, il y avait autre chose que de la cigarette, tout ça. Je me souviens plus trop, mais bon, je fumais pas du tout à la même fréquence que les autres, tout ça, donc bon, voilà. J'essaie d'établir le contact avec certaines personnes, et en fait. Établir le contact. Non, mais concrètement, c'est ça, tu vois. Et j'ai eu beaucoup de mal, et en fait, là, à un moment donné de la soirée, moi, je bois pas beaucoup non plus. J'ai vu que tout le monde était bourré. Que les gens avaient fumé. Et peu importe s'ils étaient très bourrés, pas, moi j'étais pas dans le même état qu'eux. Et j'avais pas envie de me mettre dans le même état qu'eux. Et là j'ai commencé vraiment à stresser. Je m'imaginais en plus, dans ces moments-là, tu deviens parano. Tu t'imagines que, je sais pas, moi ton mec il parle à telle meuf. Enfin, vraiment, vraiment. Bon, après il s'est passé quelque chose, voilà que. Voilà. Entre mon mec et une autre fille, que après peut-être que voilà j'étais parano ou quoi que ce soit. Pas grand-chose, mais quand t'es stressé, il suffit d'un rien pour en fait que ce soit l'escalade et que t'aies l'impression que tout tourne mal en fait. Et là, vraiment, c'est vraiment le moment où j'ai pété un boulon. On est rentré, j'ai pété une crise à mon copain dans le sens où Mais du coup, il était là? Il était à la soirée? Ouais, il était à la Ah, soirée, d'accord. mais. Vu que j'avais pas envie de déranger, et j'avais. En plus, il me demandait, ça va, ça va? Mais lui, il connaissait du Ouais, il connaissait du monde. monde. Et vu que j'avais vraiment pas envie de déranger, j'ai dit. Et en fait, j'ai fait la cocotte. J'ai fait la cocotte minute. Et arrivé à la maison, on est rentré, je lui ai dit, écoute, ça va pas du tout. Je lui ai fait une liste, le pauvre, il a rien compris. Et en fait, il a eu la réaction de quelqu'un qui s'est peut-être senti agressé à ce moment-là. Il s'est dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as rien dit à la soirée. Et tu peux dire, bah oui, en fait, enfin oui, j'ai été con, j'ai rien dit. Et en fait, non, dans ta tête, t'es putain, mais j'étais toute seule, enfin j'étais toute seule, enfin j'ai eu l'impression d'être seule, j'aurais pu aller voir des gens, mais en fait, je me sentais mal d'aller les voir parce que je voulais pas les déranger. Et c'est vraiment un cercle vicieux qui se passe dans ta tête, et t'as l'impression que d'être incomprise, d'avoir fait le mauvais choix dans le sens où t'aurais dû aller parler aux gens, enfin les gens te font comprendre que t'aurais dû aller leur parler. Et là, bah, là, en fait, je sais plus comment tu t'appelles, mais... Juste une question, c'était ses amis à lui? Oui. Parce que, autre, bah, je te raconte du coup, moi. Vas-y. Je saurais pas te dire la première fois que ça s'est mal passé ou quoi. Mais je trouve, enfin, avec cette anecdote et cette question, j'arrive à différencier un peu deux anxiétés sociales, enfin, si je peux les appeler Vas-y. comme ça, parce que. La première qui est pas forcément négative et qui est pas forcément une anxiété malsaine ou enfin je sais pas, j'ai pas les termes. Mais parce que quand j'étais plus jeune, mes premières soirées par exemple, avant d'y aller, j'avais une petite boule au ventre. Tu vois? Un peu stressée, un peu chafouine. Oh là là, qu'est-ce qu'il va y avoir? Comment je m'habille? Est-ce que ça va bien se passer? J'ai hâte de les voir, mais est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais m'amuser? Qu'est-ce qu'on va faire vraiment? Et un petit stress léger, Léger, une petite angoisse légère, mais pour le mieux. Voilà. Et ça, j'en avais déjà parlé à des amis, et pareil, un petit peu angoissée d'être avec du monde, tout ça, mais ça allait. Et cette angoisse, et la deuxième angoisse, angoisse lourde, super négative, qui te met vraiment dans un mauvais mood, parce que tu sais pertinemment que tu vas passer une putain de mauvaise soirée. Mais est-ce que tu penses que, comment dire, ce stress, il est... cette anxiété, elle est plus ou moins rétroactive? Ah, c'est-à-dire quand en te disant que t'as cette angoisse et que tu vas passer une mauvaise soirée, tu passes effectivement une mauvaise soirée? Ouais, alors déjà, il y a ça. Est-ce que c'est par rapport au fait que ça se soit déjà passé? Oui, je pense. Parce que les premières fois que j'ai été stressée d'aller à une soirée, c'était parce que je connaissais pas les gens. Et puis une fois que cette soirée qui s'est passée où je connaissais pas les gens, ça s'est pas super bien passé. Bah du coup à partir de là, c'était une vraie angoisse sociale, tu vois. Donc je me demande si, alors j'en sais rien, mais est-ce que par hasard, la première angoisse que tu décrivais et la deuxième, finalement, c'est pas, il n'y a pas genre un pont entre les deux. Ouais, Tu vois ce peut-être. que je veux dire? Peut-être que la deuxième et la première ont évolué, comme un Pokémon. Ouais, comme un Pokémon. Et le pont en fait de l'évolution Pokémon, c'est ton cerveau qui se souvient d'une émotion négative. Ouais, peut-être, peut-être. Genre d'une émotion négative dans un contexte de soirée particulier. Tu vois. Mais moi, ce qui a joué sur... Enfin, non, en fait, pour moi, le pont... Ouais. Au-delà de l'expérience négative, c'est la pression qu'on m'a mise. Ah bon, t'as mis une pression. Oui, c'est-à-dire que effectivement, les premières petites soirées quand j'étais vieille ado ou jeune adulte, je ne sais Ouais, pas. 16-17 ans, quoi. Bon, bah, pas du tout jeune adulte. Vieille enfant. Vieil enfant, plutôt, ouais, je suis assez d'accord, finalement. Cette petite anxiété s'est transformée en grosse anxiété pas marrante quand j'ai fait mes premières soirées avec les amis de mon copain, de mon ex-copain. Parce que... un enfer. C'est-à-dire que... Encore les nouvel an, enfin moi les nouvel an, combien j'en ai à raconter qui étaient terribles. D'ailleurs, depuis j'en fête plus. Pareil, pareil, et là c'est une grosse question qui se pose dans ces fêtes de fin d'année. Oui, ben, on en reparlera tout à l'heure, mais... donc là, j'en ai un qui me vient en tête, mais sûrement que j'ai eu d'autres expériences avant, hein. Mais alors, j'avais une soirée de Nouvel An prévue avec des amis. Et puis, mon ex-copain me dit, ah, mais non, mais moi, j'ai une soirée avec des amis. Je lui dis, bah, ok, bah, ta soirée, je vais à la mienne, tu vois. Oui, bah oui, non, mais tout à Et fait. on se retrouve demain. Ouais, non, mais clairement. Tu vois, bah, pour moi, c'était pas du tout un souci, mais après, c'est mon tempérament. j'ai pas forcément besoin de passer des soirées collées. Oh bah non, clairement, puis heureusement d'ailleurs. Ouais, voilà, mais bon, ce tempérament n'était pas partagé, et du coup, il m'a dit, mais si, mais viens à ma soirée, tu viens jamais à mes soirées, viens, ah ouais, t'as l'impression, quoi. C'est le nouvel an, enfin, je veux le passer avec toi, je cède. Ok. Je cède à contre-cœur. Mais je me dis, c'est pas grave. En plus, c'était chez un de ses amis avec qui j'avais été au collège ou au lycée. Enfin bref, que je connaissais plus ou moins, mais surtout de loin. Donc je me suis dit, ça va aller. Et en fait, j'ai pas du tout passé la soirée avec lui. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ah mais je vois tout à fait. Donc, oui, il y a ça aussi. Viens passer la soirée avec moi. En effet, je n'attends pas d'être collée et pendue à ton cou toute la soirée, mais un minimum, tu vois. Oui, enfin qu'il y ait des interactions, quoi. Oui, voilà, qu'on discute un peu, ou que tu sois pas trop loin, essayons de mettre la complicité. Oui, voilà, ou essayons de faire un petit quota d'une demi-heure sur 5 heures, peut-être. Je sais pas. Oui. Moi, je demande pas un rapport exclusif dans une soirée. Je demande juste que on puisse parler en groupe, voilà. Et en fait, j'ai pas vu de la soirée. De deux, je connaissais presque personne, ou alors de loin, comme je t'ai dit. Et en fait, je me suis retrouvée toute seule. Parce que, personne. Et le pire nouvel an, quoi. Qu'est-ce que je fais? Je bois toute seule dans mon coin, ouais, sur le canapé. Ça. Et puis, vous allez faire un tour de quartier, et puis c'est contre un mur. Enfin, c'est... Et en fait, ça s'est répété avec toutes les soirées que j'ai fait avec lui et ses amis. Ouais. Mais les grosses soirées, petites soirées, peu importe. Toutes, peu importe. Ouais. C'est parce que, par exemple, ses amis, à force de les voir, je les connaissais. Mais simplement que c'était les siens, et j'ai rien contre eux, mais c'est juste que ça passait pas. Ouais. Et du coup, il m'en voulait beaucoup. Et quand je lui disais, non, je préfère pas venir, il me dit, mais oui, mais c'est pour ça que tu passes des mauvaises soirées, c'est parce que tu fais aucun effort. Parce que t'es négatif de base. Voilà. Ouais. Et si tu partais à la soirée en me disant que ça va être une bonne soirée, tu passerais une bonne soirée. Ouais. Mais c'est pas vrai. Ouais. Et moi, ma seule excuse, c'était de dire, mais il y a des gens avec qui ça passe et d'autres avec qui ça passe pas. Et c'est pas un drame. Ouais, c'est pas un drame. Moi, j'ai des amis, j'ai pas besoin de toi pour avoir une vie sociale. Je t'empêche pas d'aller à ta soirée et je veux bien que tu veuilles partager, mais enfin, t'es pas obligée de me faire une crise à chaque fois que je refuse ou à chaque fois que je passe une mauvaise soirée. Qu'est-ce qu'on est bavard au comptoir? Le temps de recharger nos verres, nous vous retrouvons dans la deuxième tournée pour poursuivre notre discussion sur l'anxiété pré-soirée.